part de ton cœur, il arrive sur les autres. Les autres se sentiront aimés et te pardonneront tes fautes. Tu pourras enfin vivre en paix et en harmonie tout le reste de ta vie. D'abord s'aimer soi-même avant d'aimer une autre. Fais la paix avec ton passé et accepte tes fautes. Tu pourras enfin vivre en paix et en harmonie tout le reste de ta vie. Pour le reste de ta vie.